flottons hors de l'atmosphère et contemplons la tête en bas, l'écume enveloppant la terre, blanche dalle de marbre froid. Écoute, la vide nous appelle, à présent il faut faire un choix. Sectionnons la pauvre ficelle qui nous lie à ce tube étroit. N'aie pas peur, vas-y, regarde. Tu ne laisses rien derrière toi, rien qui ne vaille que tu t'y attardes. Puisque c'est fait, puisqu'on s'en va, à présent retourne au scaphandre. Je voudrais découvrir ta peau, tendre pousse écartant la cendre. Elle frémit comme de l'eau. Viens avec moi, tendre insoumise, à part un libérons nos doigts. Faut lâcher prise, laissant-nous tomber dans nos bras. Capturons un astéroïde, allons-nous lover en son sein. Amis, ce sont les Néréides qui pour nous deux chantent au loin. Dans l'espace immense, solaires et époumonés, explorons les moments intenses, les plaisirs pris rendus donnés. Dans des éons sur quelques grèves, quelques planètes on échouera. Usé, enivré de nos selles, le cœur léger, on sortira imprimer nos pas dans le sable. D'un monde vierge, l'on sera debout sous le ciel immuable. Adam et Ève, encore une fois, tiens avec moi, tendre insoumise. À part un libérons nos doigts, ensemble il nous faut lâcher prise, laissant-nous tomber dans nos bras. Viens avec moi, tendre insoumise. Laissons-nous tomber dans nos bras.